Pascal. T'as pas connu Albert? Non. Alors écoute, écoute un peu sa vie. C'était un petit bonhomme, il s'appelait Albert. Il était haut comme trois pommes, la casquette en arrière. Aussitôt levé du somme, il prenait un petit verre. Un verre d'un jus de pomme qui roulait à l'envers. Et mon petit Albert, écoute-moi petit frère, l'alcool ça fait pleurer, ça noircit les idées. Et mon petit Albert, ne va pas te foutre en l'air, la vie ne t'a pas aidé, fais-lui un pied de nez. Premier froid d'hiver, sa petite femme Yvonne l'a quitté pour Robert. Depuis il boit son rhum en écrivant des vers, puis chante du quaffone ses déboires, ses misères. Et mon petit Albert, écoute-moi petit frère, l'alcool ça fait pleurer, ça noircit les idées. Et mon petit Albert, ne va pas te foutre en l'air, la vie t'a pas aidé, fais-lui un pied de nez. Sans vergogne, pour quelques verres de bière. Quand il mourut bonhomme, il était seul au cimetière, hormis sa femme Yvonne et son copain Robert. Et mon petit Albert, entends ma voix petit frère, l'alcool t'a fait crever, ta femme l'a bien aidé. Et mon petit Albert, tu es à six pieds sous terre, trois portes, ta casquette.